Chapitre 8e, la fraise électrique. Paulin Broquet convoqua Simon aussitôt. Quand l'ancien clown fut dans son cabinet, se plaçant brusquement en face de lui, le détective lui dit « Ouvre ton bec !» Comme Simon ne comprenait pas, Paulin Broquet répéta son commandement. Simon ouvrit une bouche énorme, qui au repos formait un fer à cheval, mais semblait en caoutchouc, et s'ouvrait en rond, si large que deux mains n'eussent pu la clore. Paulin Broquet jeta un regard dans ce gouffre. « Bon, tu as là à gauche une molaire que tu vas aller faire plomber tout à l'heure. Ce sera pour vous faire plaisir, chef. À toi aussi. Je t'envoie chez le célèbre American Surgeon Dentist, Thos Drawler, de la rue Tronchet. Et toi, qui es un bon petit marchand de papier peint, tu vas voir les soins d'un dentiste qui ne manie que des mâchoires millionnaires, habitant la 5e avenue, plains-toi. Non, chef. Et qu'est-ce qu'il y aura à faire? Pas autre chose. Vois ce que c'est que ce sleeping cure dont on dit tant de bien. » Simon savait qu'il n'y avait qu'à exécuter absolument les ordres du chef. Il se rendit donc chez le dentiste à l'heure que lui donna Paulin Broquet, et qui correspondait à celle où cet infortuné Jarnos se rendait chez le surgeon des millionnaires. On fit entrer Simon dans un des salons, comme tout client. Simon jouait son rôle de bourgeois. Il fut examiné, puis on le conduisit dans un des cabinets d'opération. Deux ou trois opérateurs s'occupèrent de lui. Puis le surgeon dentist vint, qui annonça qu'il opérerait lui-même. Simon fut assis dans un fauteuil. Ce fauteuil fit entendre un déclic, et des crocs sortirent aussitôt des bras, des pieds, du dossier, qui enserrèrent les bras, les jambes, la poitrine et le cou du patient. « C'est ça le sleeping cure ?» demanda Simon, très inquiet, se sentant maintenu, absolument, lié, garrotté, retenu. « Now !» « C'est la préparation seulement, » dit le célèbre dentiste. Il appuya la tête de Simon au dossier. Simon ne pouvait opposer la moindre résistance maintenant. Il céda, et sa tête fut saisie par des courroies de cuir et mise dans l'impossibilité absolue de faire le moindre mouvement. Thos Drawler enfonça dans la mâchoire de Simon un instrument d'acier qui le força à l'ouvrir. Aussitôt, une sorte de bâillon lui fut appliqué, qui était relié aussi au dossier du fauteuil. Et Simon demeura là, la bouche ouverte, poussant des appels incompréhensibles. Le dentiste ne s'en préoccupa point. Il se pencha sur la bouche. « Ah oh ! » fit-il. « Voilà une ouverture vraiment pratique pour un travail confortable. Là, deux mains peuvent se promener à l'aise. » Et touchant avec une tige d'acier la dent malade, il dit, mais alors sans aucun accent américain, « Ah, c'est celle-ci que Paulin Broquet veut faire plomber. Bon, allons-y, mon brave Simon. » « Tu vas avoir du dessert tout de suite, on va te donner de la fraise. » Tout en parlant, le dentiste abaissa une tige d'acier reliée à un appareil se trouvant à côté du fauteuil. Il appliqua cette tige sur la dent, l'ajusta, la consolida, et il tourna une petite manette. Aussitôt la tige, au bout de laquelle se trouvait une fraise d'acier, mue par l'électricité, se mit à tourner, faisant son office de foreuse lentement, sûrement, régulièrement. Elle rongeait la dent et c'était un supplice épouvantable. Le malheureux Simon, bouclé, enchaîné, le subissait, sans avoir la consolation de remuer ou de crier. « Ça ira comme ça, » dit alors le dentiste. « Après la dent, ce sera la mâchoire que la fraise perforera. Cela demandera d'ailleurs une heure ou deux. Oui, à peu près. Mais rassure-toi, mon bon Simon, tu n'iras pas jusque-là. La douleur, qui doit être déjà d'un joli degré, va sans cesse en augmentant. Et dans une heure et quart au plus, tu seras devenu fou, ou tu auras expiré. » Alors, se tournant vers ses aides, j'allais dire les aides, si je ne craignais le jeu de mots, le dentiste s'écria triomphalement, « Voilà, mes amis, une belle opération !» Simon avait reconnu le sergent dentiste avant que les opérateurs n'eussent crié avec enthousiasme, « Vive Zigomar !» Mais dans la maison, à ce moment, un grand bruit se fit entendre, des sonneries électriques tintèrent, des bruits de portes enfoncées, de meubles renversés, puis des cris de femmes affolées, le tapage de gens qu'on poursuit. Zigomar et ses hommes n'attendirent pas davantage. Ils passèrent par une porte dont les rayures modernes style du papier dissimulaient la trace et ils disparurent comme Paulin Broquet pénétrait dans cette pièce par la porte enfoncée à coups de pied. Paulin Broquet courut au fauteuil d'opération dans lequel, immobilisé, le malheureux Simon endurait son terrible supplice. Il essaya d'arrêter la fraise en coupant le courant électrique. Il n'y parvenait point. Les fils passaient sous le plancher et l'appareil était extrêmement solide. Paulin Broquet n'arriva qu'à déranger l'appareil et à faire glisser la fraise sur une autre dent. Il ne pouvait pas non plus détacher son homme. Quand il essayait de défaire les entraves, elle se serrait davantage et causait de plus grandes souffrances au patient. Et Simon continuait, sans pouvoir bouger, à endurer sa torture. Il geignait, il hurlait, et de grosses larmes de douleur coulaient malgré lui de ses yeux, qui suivaient anxieusement chaque mouvement du chef. Paulin Broquet s'énervait. Il avait peur maintenant de blesser Simon. Il n'osait faire une tentative imprudente. La fraise, de plus en plus, rongeait la dent, pénétrait dans la mâchoire, poursuivant implacablement son effroyable travail. Paulin Broquet alors prit son couteau. Il fit glisser la lame dans la rainure du parquet. Après quelques efforts, une des lamelles se souleva. Paulin Broquet insista. Enfin, un éclair jaillit, qui passa à travers la fente et vint brûler les mains du détective. Paulin Broquet venait de rencontrer les fils électriques. La lame de son couteau avait tranché l'enveloppe protectrice, coupé la guttae, et le contact de l'acier venait de produire un court-circuit. La fraise cessa immédiatement de tourner. « Bon, » dit Paulin Broquet à son homme, en lui donnant une tape cordiale sur l'épaule. « Bon, mon garçon, tu ne souffres plus, c'est le principal. On va maintenant te dégager. » Il laissa des hommes sous la conduite de l'amorce, munis d'outils nécessaires pour démolir le fauteuil solidement attaché au plancher par des boulons et abattre l'appareil à fraiser. Lui, il reprit ses perquisitions et passa dans le cabinet où le banquier Jarnot se trouvait. Le banquier était sur le fauteuil d'opération comme s'il allait recevoir les soins du dentiste. Mais lui n'était pas attaché comme le malheureux Simon, qui maintenant était délivré, tout sanglant et meurtri, fortement endolori. Jarnos, au contraire, largement assis, les jambes bien à l'aise, le corps dégagé de tout lien, le gilet déboutonné, non seulement ne gémissait pas comme son malheureux voisin, mais au contraire, riait aux éclats, s'esclaffait, pouffait, tapait sur ses cuisses, se renversait en arrière pour mieux pouvoir rire. « Bah, elle est bien bonne » s'écria-t-il. « C'est roulant, c'est tordant !» Il se tournait en effet de rire dans son fauteuil. Il se roulait. Paulin Broquet s'approcha de lui, le regarda, l'étudia un moment. Le banquier Jarnos, à son tour, les yeux pleins de larmes à force de rire, s'essuyant du revers de la main, regardait le détective. Il ne le reconnut certainement pas et lui dit, en mots coupés par des rires, une suite de phrases sans lien, sans cohésion, qui n'avait aucun sens et dont cependant il riait lui de plus en plus. Paulin Broquet alors chercha dans le cabinet. Il trouva un récipient de fonte qui, par un manomètre et un tuyau, était relié à un cornet. Il ouvrit le manomètre et se mit à sentir le gaz qui se dégageait. « C'est bien cela, » dit-il. Il dit à un de ses hommes, « Allez me chercher Simon. » Quand on lui amena le pauvre diable fortement endommagé, Paulin Broquet lui dit, « Assieds-toi dans un fauteuil, pas un des sièges à supplice, et laisse-toi faire sans crainte, j'opère moi-même. » Simon, obéissant, s'assit dans un fauteuil. Il souffrait encore beaucoup. Paulin Broquet approcha de son nez le cornet et fit venir du récipient un filet de gaz. Quelques secondes suffirent pour amener un changement radical chez Simon. Il cessa presque aussitôt de geindre, puis il se redressa et enfin se mit à rire. Et il joua, au bout de 2 ou 3 minutes, la même comédie de folle gaieté que le banquier Jarnos. « Parfait, » fit Paulin Broquet, « plus de doute maintenant. » Pendant ce temps, la gaieté du millionnaire était tombée. Et quelques instants après l'épreuve tentée par le détective sur Simon, il avait repris conscience de soi-même et recouvré son état normal. Il fut naturellement fort étonné quand, au lieu de l'American Surgeon, de ses aides, il aperçut devant lui des visages nouveaux. Toutefois, il reconnut rapidement Paulin Broquet. « Voici, lui dit le détective, comment on vous a volé. Force de roller vous faisait respirer un composé de protoxyde d'azote, qui forme le gaz dit gaz hilarant, parce qu'il provoque, comme vous le voyez chez cet homme, des effets de gaieté nerveuse, de folie hilarité. Tout vous apparaît rose, la vie belle. C'était la joie, le bonheur, et vous n'aviez dans votre contentement aucune force de résistance. On vous a fait signer des chèques, et c'est avec une joie ineffable que vous avez apposé votre signature sur vos chèques. Je vous le répète, le vol au gaz hilarant est un des bons tours de Zigomar. » Le banquier Jarnos se dressa d'un bond. « Comment ? » s'écria-t-il, terrifié maintenant. « Comment ? C'est Zigomar qui m'a volé ?»« Oui, mais avouez que vous avez ri pour votre argent. » Puis Paulin Broquet dit au banquier, « Allons, monsieur Jarnos, qu'est-ce que sont pour vous ces quelques 100 000 francs que vous avez si gaiement donnés à ce merveilleux et ingénieux voleur? Vous allez grandement rattraper ça en un jour. Vous allez pincer Zigomar, lui faire rendre mon argent. Je parle de l'emprunt turc, » dit Paulin Broquet, « l'emprunt turc. Oui, vous êtes avec le banquier Van Cambre, si je ne m'abuse, un des lanceurs de cet emprunt, c'est exact. Eh bien, ne vous faites plus plomber les dents, et sans user du sleeping cure, vous pourrez tout à votre aise bien rire des bons jobards qui vont apporter leur argent au guichet, et du gouvernement français qui va expédier quelques millions dans le Bosphore. » Le banquier Jarnos s'en alla à demi consolé. Paulin Broquet alors interrogea sommairement les opérateurs arrêtés dans l'Institut. C'étaient eux, de braves gens engagés par le célèbre Sir John Dentist. Car Zigomar, dans la bande, comptait un dentiste des plus habiles. Il s'en était servi pour monter cet institut et pratiquer, sans que ses sérieux praticiens puissent s'en douter, le vol au gaz hilarant. On dut les remettre en liberté. Quant à Zigomar, Tom Twig et consorts, encore une fois, ils avaient échappé à Paulin Broquet. Donc, conclut en se retirant le détective, voilà. Cette affaire Gay va encore faire dire au public qui ne connaît pas les dessous. Est-il naïf, ce Paulin Broquet? Une fois de plus, l'admirable Zigomar vient de le rouler. Il alluma une cigarette et s'éloigna.